Le rassemblement consacré au 60e anniversaire de la publication du journal de Pyongyang s'est déroulé le 31 mai en présence du vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, Kim Gi-nam, des cadres, journalistes, rédacteurs et autres membres du personnel du journal. On y a transmis le message de félicitations du comité central du parti adressé aux journalistes, rédacteurs et autres membres du personnel à l'occasion du 60e anniversaire du journal. Le message note que ces 60 dernières années, le journal s'est développé en un organisme d'information prestigieux du pays sous la sage direction et les soins méticuleux des grands leaders pour ainsi accomplir avec responsabilité la glorieuse mission d'imprégner les citadins des idées révolutionnaires de notre parti et les appeler à l'application de la politique du parti. Il y a eu le rapport et les interventions.